Chapitre 4. L'interrogatoire avait produit sur l'auditoire une pénible impression. Plusieurs fois, des murmures s'étaient élevés aux réponses de l'accusé, qui d'ailleurs protestait sans énergie contre l'accusation. Il semblait n'attacher au drame qu'une importance secondaire, et paraissait ressentir pour la victime l'indifférence qu'il s'attachait à montrer pour sa maîtresse. Il n'y avait aucune forfanterie dans la façon dont il s'exprimait. Il répondait avec la précipitation d'un homme à qui il tarde d'échapper à une formalité ennuyeuse. Pendant la courte suspension d'audience qui suivit l'interrogatoire, je demandai à Maurice ce qu'il pensait de tout cela. « Oh oh, me dit-il, vous allez vite en besogne. Ne pensons jamais si promptement. Laissons-nous d'abord entraîner à l'impression du moment. J'avoue, interrompis-je, que cette première impression est absolument défavorable à l'accusé. Qui vous dit que je ne sois pas de votre avis? Nous avons choisi cette affaire au hasard. Sa simplicité peut rendre inutile toute recherche de notre part. En tout cas, nous ne perdons pas notre temps. Écoutons et attendons. » L'audition des témoins commença. Tremplier, concierge de la maison, répéta les détails déjà consignés dans l'acte d'accusation. Il avait vu Bougeon s'élancer, nu-tête, hors de la maison. Un mouvement irraisonné l'avait porté à l'arrêter au passage. Il n'avait d'ailleurs aucun soupçon, mais l'attitude de Bougeon lui paraissait extraordinaire. Demande. N'a-t-il prononcé aucune parole au moment où l'avait arrêté? Réponse. Non, il se débattait en poussant des cris inarticulés. Je le croyais fou. Demande. Quel était le caractère de Defaudon? Réponse. C'était un brave jeune homme, mais un peu trop noceur, d'autant qu'il était d'une mauvaise santé. Il avait à tout moment des mouvements nerveux, quand une porte se fermait trop fort, au moindre bruit, mais c'était un bon garçon, et pas chiche du tout. Demande. Que savez-vous sur les relations de l'accusé avec la fille Grangelot? Réponse. « Ah ça, c'est une traînée comme il y en a beaucoup. » Ici, quelques expressions trop pittoresques qui excitent l'hilarité et que nous nous abstenons de reproduire. Demande. Les deux jeunes gens se cachaient-ils l'un de l'autre dans leur relation avec elle? Réponse. Pour ça, je n'en sais rien. Je crois pourtant qu'elle aimait mieux M. Defaudon. Trois personnes avaient entendu du bruit dans la chambre de Defaudon et étaient accourues les premières aux cris poussés par Bougeon. La demoiselle Rateau, Émilie, 19 ans, sans profession, était occupée, dit-elle, lorsque des cris s'échappèrent de la chambre qui n'est séparée de la sienne que par une cloison. La personne qui était avec elle s'élança au dehors et la suivit. Elle a trouvé Defaudon étendu par terre en chemise. Il ne remuait plus. Demande. Avez-vous entendu parler haut, quelque chose comme une querelle? La demoiselle Rateau hésite, puis répond en baissant la voix qu'elle ne faisait pas attention à ce moment-là à ce qui se passait à côté. Le sieur Barnioli, Giacomo, rentier, 45 ans, était en visite chez la fille Rateau. Il affirme avoir entendu des éclats de voix qui lui semblent, bien qu'il ne puisse l'affirmer, indiquer une querelle. Puis une porte s'était ouverte violemment et quelqu'un s'était élancé sur l'escalier. Il a cru alors à un accident et, obéissant à une première impulsion, s'était lancé pour porter secours si cela était nécessaire. À une question du président, qui insiste sur le point de savoir s'il y avait ou non querelle, le sieur Barnioli répond qu'il n'a pas bien remarqué, mais que cependant les éclats de voix ne lui ont pas paru résulter d'une conversation amicale. Laborie, Gustave, étudiant, 23 ans, travaillait dans sa chambre au-dessus de celle qu'occupaient en ce moment ces deux jeunes gens. Il a entendu du bruit et est rapidement descendu. Il a trouvé Defaudon sans mouvement. Le docteur Mercier, 30 ans, habite la maison. On est allé aussitôt le chercher. Et il a tenté de donner à Defaudon les premiers soins. Mais il a reconnu aussitôt que tout effort était inutile. Les marques des doigts étaient très visibles sur le cadavre. Defaudon était vêtu seulement de sa chemise, les jambes et les pieds nus. Évidemment, il s'était levé précipitamment ou avait été tiré de son lit. Les couvertures étaient rejetées, le tapis dérangé. Lorsque Bougeon est remonté, ramené par le concierge, il était extrêmement pâle et au premier coup d'œil jeté sur le cadavre, il est tombé en faiblesse sans proférer une parole. Le témoin connaissait fort peu les deux jeunes gens et ne peut fournir sur leur caractère aucun renseignement.